célibataire, comme l'ermite solitaire, je mangerai aux soupes populaires, sauf bien entendu à mes anniversaires. Quand je serai célibataire, loin de l'enfer des belles-mères, j'aurai autre chose pour me distraire, simplement le châle gouttière. J'irai compter les fleurs dans les champs, seule valeur de mon testament. J'irai manger au restaurant, après le repas, je me saoulerai gentiment. J'écrirai une fois par an pour rappeler à mes enfants qu'ils ont un père célibataire qui leur verse une pension alimentaire. Mais quand je serai célibataire, ce n'est pas le chat de gouttière qui mettra la dernière patte à mon habit. Je n'ai relis.